Ésaïe chapitre 62. Pour l'amour de Sion je ne me tiendrai point tranquille, et pour l'amour de Jérusalem je ne serai point en repos, que sa justice ne sorte dehors comme une splendeur, et que sa délivrance ne soit allumée comme une lampe. Alors les nations verront ta justice, et tous les rois ta gloire, et on t'appellera d'un nouveau nom, que la bouche de l'Éternel aura expressément déclaré. Tu seras une couronne d'ornement en la main de l'Éternel, et une tiare royale dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus, la délaissée, et on ne nommera plus ta terre, la désolation, mais on t'appellera, mon bon plaisir en elle, et ta terre, la mariée, car l'Éternel prendra son bon plaisir en toi, et ta terre aura un mari. Car comme le jeune homme se marie à la vierge, et comme tes enfants se marient chez toi, ainsi ton Dieu se réjouira de toi, de la joie qu'un époux a de son épouse. Jérusalem, j'ai ordonné des gardes sur tes murailles, tout le jour et toute la nuit continuellement, ils ne se tairont point. Vous qui faites mention de l'Éternel ne gardez point le silence, et ne discontinuez point de l'invoquer jusqu'à ce qu'il rétablisse et remette Jérusalem en un état renommé sur la terre. L'Éternel a juré par sa dextre, et par le bras de sa force, si je donne plus ton froment pour nourriture à tes ennemis, et si les étrangers boivent plus ton vin excellent pour lequel tu as travaillé. Car ceux qui auront amassé le froment, le mangeront, et ils loueront l'Éternel, et ceux qui auront recueilli le vin, le boiront dans les parvis de ma sainteté. Passez, passez par les portes, disant, préparez le chemin du peuple, relevez, relevez le sentier, et ôtez-en les pierres, et élevez l'enseigne vers les peuples. Voici, l'Éternel a fait entendre ceci jusqu'au bout de la terre, dit à la fille de Sion, voici, ton sauveur vient, voici, son salaire est par devers lui, et sa récompense marche devant lui. Et on les appellera, le peuple saint, les rachetés de l'Éternel, et on t'appellera, la recherchée, la ville non abandonnée.